quoi faire dans ce monde, nos juges au physique. Si t'as une tête de con, t'as plus qu'à prendre un route des acédiques. Certains m'ont dit que la vie c'était rien qu'une compète. Et comme Zidane, j'arrêterai ma carrière sur un putain de coup de tête. Je vais pas te mentir, mais j'ai plus le temps pour faire le sympathique. Les gens sont des bâtards, y'a trop d'MC qui se croient imbattables. Alors, j'écris ce texte comme mon dernier chapitre. J'ai plus rien à apprendre, et pour percer, il faut sucer des bites. Franchement, moi j'en ai marre d'avoir mes pieds sur terre. J'en ai marre du goudron, et si je me casse, c'est pour enfin voir la mer. Chaque jour, j'écris mes textes avec ce goût amer. Les gens sont enculés, c'est pour ça que ma ville plus haut dans la merde. Dans les chapitres, car franchement, là j'ai plus d'idées. Dites au patron que je l'emmerde, je suis pas un chien, moi je m'appelle pas Didier. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi j'ai 20 ans et j'ai même plus d'espoir. De la vie, j'attends plus rien, passe-moi une clope, s'il te plaît, laisse boire. Ça fait 30 ans de ma vie que je raconte mon histoire. J'avance dans le brouillard, les yeux fermés, vu qu'il n'y a plus rien à voir. Ça devient hard quand percément, j'en ai plus le courage. J'ai fait d'un coup de tonnerre comme un clochard qui a plus rien à boire. À force, moi j'aperçois que j'ai trop crié. Le rap devient pourri, les MC sont obligés de s'empiler. Devant le micro, je pars mon show, j'ai plus aucune pitié. Un flow à la tempo et je colle mes rimes avec du verre pilé. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'excite si je veux. Ça va péter, il va pleuvoir du sang par hectolitre. C'est le bon vieux temps qui rapplique la malchance, les jours de guigne où tu crèves. La poisse, ça revient, mais aujourd'hui j'ai plus le choix. Frérot, j'ai les poches vides, le hip-hop n'est qu'une hypothèque. J'fais l'hypothèse qu'aucun morceau ne pourra me remplir les pockets. J'ai beau plonger mon flow dans des bassines, des pitettes, j'pourrais jamais me relaxer. La tête est sur un appui-tête. Et pourtant si c'était le dernier morceau, dernier article, G.A.N. et si ce soir c'était le dernier chapitre, qu'est-ce que j'ferais, qu'est-ce que j'ferais? Mon pote, qu'est-ce que j'deviendrais? Si c'était mon dernier texte, dernier couplet sur mon carnet, de la rétine au récit, j'écris sans résine à l'esprit. Si c'était ma dernière course, j'aurais pas su ce qu'il exprime. J'aurais pas su, j'aurais pas pu mettre un point final au script. J'aurais pas pu, G.A.N. non, j'te jure, j'aurais pas pu, j'aurais pas su passer l'éponge, laisser l'eau couler sous les ponts. Là c'est le cœur froissé comme un bout de papier crépon. Mec, si le rap se répand plus, moi je ne réponds plus. J'aurais plus qu'à brûler mes notes, glisser mes mains dans vos menottes. Plus que mes repères, je perdrai ici toute ma liberté. Si le rap s'arrête, je le dis en toute sincérité, en toute franchise. Mais anti, c'est que l'emprise du hip-hop s'enlise, que les auditeurs s'ennuient. J'ai si peur que l'inspi s'épuise. Et puis c'est triste de se dire, ma rage n'aura plus d'écho. Tous les mots de mon rap, je devrais les laisser de tes cowboys solitaires. Tel un cowboy solitaire, mais solide frère depuis mes premiers pas comme B-boy. Si c'était le dernier chapitre, j'aurais sans doute la larme à l'œil. Et j'aurais vidé mes chargeurs sur les feuilles endeuillées d'un artiste qui garde 20 000 rimes en mémoire et qui perd tout espoir après 20 000 rimes sous mes mots. C'est fini, tu comprends? Cette fois, c'est pas une bagarre entre deux piliers de comptoir ou un connard qui veut cramer la gueule de quelqu'un avec sa bonbonne de gaz. C'est du lourd, ma petite carrière. Je suis pas de mentir, je suis comme tout le monde, j'attends mon heure de gloire. Les jeunes veulent des gangsters, des gun high tech à la dure au foire. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je voulais devenir grand. Maintenant marre de grandir, laisse-moi dans ce monde qu'on appelle Peter Pan. Moi j'en ai marre, quand dans le rap j'ai fait trop de sacrifices. Mes rimes se scarifient, c'est pour ça que ma vie reflète des cicatrices. Et si tu veux que je dise, 2010 pour moi c'est la fin. J'ai vite compris que le rap n'était pas celui qui arrêtera ma fin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, bah les jeunes m'ignorent, le rap devient banal. Le hip-hop faudrait peut-être que je l'innove. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis bien dans ma petite bulle, la jeunesse elle fait peur. Les gamines deviennent des petites putes. Laissez-moi, qu'à chaque jour ce monde je le constante. Et je constate qu'à chaque titre j'en ai fait le constat. Alors j'avance seul, les yeux fermés. Je peux regarder le monde vu qu'il reste que des damnés. Moi aussi, je rêve de concert et de tournée. Le problème c'est qu'on pointe un couteau que d'étale d'eau tournée. Percé, j'y crois plus, de toute façon j'ai plus d'instru. Et si aujourd'hui j'arrête le rap, ouais c'est que j'ai plus d'inspi. C'est que j'ai plus d'inspi. C'est que j'ai plus d'inspi. C'est que j'ai plus d'inspi. Dernier chapitre.